Bonjour amis, amis Balance, je suis heureuse de vous retrouver pour l'oracle de Béline. Pour le mois de septembre 2023, je m'adresse aux Balance ainsi qu'aux ascendants Balance. Donc pour cette rentrée, on a décidé de revenir à un tirage plus général pour voir de quel domaine veut vous parler l'oracle de Béline. Donc on y va. Balance, oups, il y a tout qui se retourne, pardon. Balance, septembre 2023, c'était des bonnes cartes qui étaient tombées, mais voilà. Hop. Ouh, ça c'est bon. Là, ça parle de bonne opinion que l'on a de vous, voire peut-être de succès, de notoriété pour vous, et de passion dans tout ce que vous faites. Donc c'est vraiment plutôt une coupe de satisfaction. Alors on va voir dans quel domaine. Balance 2023, septembre 2. Ah oui, c'est cela. En fait, vous avez certainement, peut-être que vous commencez le mois de septembre, ou en tout cas, vous avez terminé un cycle là dernièrement. Vous êtes assez, vous étiez un peu dans le doute et vous étiez sans doute très fatigué. Moi, je sens pas mal de fatigue et peut-être un doute par rapport à beaucoup de difficultés que vous avez rencontrées, des obstacles, beaucoup d'obstacles. Ça peut être des personnes, ça peut être des obstacles, des événements qui ne tournaient pas en votre faveur et qui étaient plus complexes que prévu. Et donc par rapport à cela, eh bien, la rentrée 2023 elle est très très favorable puisque la chance rayonne sur votre jeu. Donc vous allez à la fois avoir des soutiens, à la fois avoir une vraie chance aussi. Et cela va changer les choses puisque le résultat, à nouveau, comme dans la coupe, c'est le succès, la réussite. Donc, moi, j'ai l'impression que ça parle de tous les domaines. Si vraiment vous voulez que je vous cite un domaine, ça peut plus... Bon, ça fait davantage penser au domaine socio-professionnel. En tout cas, eh bien, vous allez passer avoir une très belle rentrée malgré des doutes au départ. Et la fatigue va être vite chassée parce que vous allez retrouver une pleine motivation par rapport à des événements favorables. En tout cas, belle rentrée.